Rendez-vous établi dans la fêlure tacite, tutelle sordide. Intelligence serial killer, osmose populaire, servitude installée, otage de l'inertie moderne d'un monde qui consomme. Nous traversons l'opercule du rien et figeons l'instant guidé par nos instincts. Être cet ultime voyage, sacrifice des lyres noctambules, sourd à l'envol symétrique vertical de la pensée fugueuse, et tu descends, chargé des lumières de la nuit. Nyctalope à ton tour. Fuite en avant, scène du tableau méthodique, vie abstraite, sortilège foudroyant, lente sortie sans secours. Nous rêvons, las. Tourment subliminal, dans l'hystérie collective d'appartenir, le cri linéaire, corridor à résonance somniaque, jour flou et sans fin. Le bruit des lettres qui s'entrechoquent en cascade de mots, teinte multicolore du dédale galopant. Notre pouvoir d'y croire s'inscrit lettre par lettre. Sommes-nous des lecteurs reliés à l'aventure humaine? Des ombres ornementales inclinant nos échines au soleil levant? Des oiseaux de nuit aux cris perçants comme la chouette? Des têtes asservies au corps symétrique? Des têtes libres aux ressorts virevoltants? Des êtres répertoriés, identifiés, existants?